Le vent souffle, soulève le linge aux fenêtres. Derrière on s'essouffle, souffle à courir la vie mètre après mètre. On étouffe, on attend de disparaître. D'autres encore s'essoufflent à courir après la voix de leur maître. Mais il y a encore des jours où je trouve une issue de secours dans tes bras, mon amour, sur ton corps de velours. J'oublie tout et je jouis, je m'éblouis et je m'enfuis. Le souffle court, un homme demande dans sa prière: as-tu jamais vu rire mes frères autrement qu'au travers des larmes? Sont-ils sourds? Demande cet homme à terre: as-tu jamais vu venir la misère toucher le cœur des marchands d'armes? Et de ce monde à l'agonie, pourra-t-il naître une harmonie? Un peu de pluie pour l'incendie qui sans merci consume nos vies, brûle aussi sans faire de bruit la terre et tous ses fruits. Et l'incendie soudain surgit sans fin, fait de nos nuits, de l'insomnie au somnifère, un enfer au paradis. Rien à faire, la sortie est derrière, enfouie sous les affaires, les frontières et les faux alibis. Un peu de pluie pour l'incendie qui sans merci consume nos vies, brûle aussi sans faire de bruit la terre et tous ses fruits. Rien à faire, la sortie est derrière, enfouie sous les affaires, les frontières et les faux alibis. Il y a encore des jours où je trouve une issue de secours dans tes bras, mon amour, sur ton corps de velours. J'oublie tout et je jouis et je m'éblouis et je m'enfuis. Il y a encore des jours où je trouve une issue de secours dans tes bras, mon amour, sur ton corps de velours. J'oublie tout et je jouis et je m'éblouis et je m'enfuis. Le vent souffle, vent souffle, et tout ce vent sur terre, accroché à nos frontières, grains de sable dans l'univers. Le vent souffle et porte les rêves pervers de nos cœurs à découvert sous les vertiges de l'air bancaire. Et de ce monde à l'agonie, pourra-t-il naître une harmonie? Un peu de pluie pour l'incendie qui sans merci consume nos vies, brûle aussi sans faire de bruit la terre et tous ses fruits. Et l'incendie soudain surgit sans fin, fait de nos nuits, de l'insomnie au somnifère, à l'enfer au paradis. Rien à faire, la sortie est derrière, enfouie sous les affaires, les frontières et les faux alibis. Un peu de pluie pour l'incendie qui sans merci consume nos vies, brûle aussi sans faire de bruit la terre et tous ses fruits. Rien à faire, la sortie est derrière, enfouie sous les affaires, les frontières et les faux alibis. Mais il y a encore des jours où je trouve une issue de secours dans tes bras, mon amour, sur ton corps de velours. J'oublie tout et je jouis et je m'éblouis et je m'enfuis.